on n'est pas prêt à aller de l'avant avec le projet parce que le baseball majeur est pas prêt à aller de l'avant avec le projet. Mmh. Le baseball majeur est pas prêt à dire à Montréal, vous avez une concession et puis il y a pas d'expansion pour l'instant. On est toujours à l'étape de régler les dossiers d'Oakland et Tampa Bay. Ouais. Ça, c'est certain que ça a été une grosse nouvelle pour moi cette année. La troisième maintenant, parce que je t'en avais demandé trois. Oui, ben là, je sais que tu voulais parler de Samuel Girard, et puis comme c'est régional, mais c'est quand même une belle histoire, l'histoire de Samuel Girard, de ce Québécois là qui perce la formation. Ouais. Quand même au départ, la défensive des Predators de Nashville qui est très bonne. Et puis là, moi, je pense que la transaction qu'il fait passer à l'Avalanche du Colorado, ça va lui permettre vraiment de mener sa carrière à un autre niveau, dans le sens où il va avoir du temps de jeu qu'il n'aurait jamais eu à Nashville. Ouais. Et puis ça c'est gros, mais si je reviens à mon troisième événement, eh bien c'est j'en avais un autre de préparer. Ah oui, vas-y, on y va. C'est la nouvelle qu'on a eue cette semaine. La nomination de Mike Sherman avec les Alouettes. Toi, je sais que t'es pas convaincu de cette nouvelle-là. Bon, ben moi, je suis content parce qu'on va débattre, parce que vas-y, après ça, je vais y aller avec les arguments. Moi, je trouve là que c'est un grand coup de Cave Street et des Alouettes de dénicher un nom comme ça, c'est-à-dire un homme comme ça, un entraîneur avec un CV aussi garni repartir. C'est un peu un reboot qu'on fait. On repart à zéro les Alouettes. Et là, on y va avec une nouvelle philosophie, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire, avec quelqu'un qui a beaucoup de contacts dans le football du côté sud de la frontière. Moi, je pense que ça va venir bonifier ce que Cavis Reed est capable de faire. Okay. Cavis Reed, venu jusqu'à date, là, c'est pas son séjour à Montréal n'est pas très reluisant. Mettons qu'on est loin de Saint-Paul. Moi, je trouve que cette décision-là, c'est sa meilleure jusqu'ici. Mettons qu'on est loin de Saint-Paul. Ah oui, non, absolument. Moi, là, je vais te le dire pourquoi. Je ne serais pas là-dessus, là. OK, je vais te le dire pourquoi, Fred, que je ne suis pas d'accord. Parce que, premièrement, s'il serait si bon que ça, qu'est-ce qu'il faisait au high school? Ah, ben, je vais te dire, il redonnait à la communauté. Il était même pas payé pour ça. Ouais, mais. C'était en high school. Ouais, pourquoi qu'il n'y aurait pas eu un poste de coordonnateur à quelque part? C'était un désastre avec Texas A&M. Je pense que la vie de la NCAA puis du collège américain, ça de la NFL, ça l'intéressait plus. Mais ça, écoute, je comprends tes arguments, là. Je vais juste essayer de trouver la raison, là. OK. Donc, et deuxièmement, il s'en vient dans un football qu'il connaît pas, dans une stratégie qu'il connaît pas, dans une ligue qu'il connaît pas. Par contre, je parlais avec Pascal Masson. Ça dépend des adjoints qu'il va nommer. Tu sais, il faut qu'il y ait un adjoint. Absolument. Moi, je pense que la clé. Et jusqu'à quel point. Puis je parlais de ça avec Pascal Masson. André Bolduc serait pas prêt à être coordonnateur à la tête? Je ne sais pas. Tu sais, c'est un nom intéressant. C'est un gars intéressant. Je ne sais pas. Et là, je ne connais pas assez le travail des entraîneurs et des coordonnateurs au football pour te dire si André Bolduc est prêt à assumer ce rôle-là. Ce qui va peut-être jouer contre André Bolduc, c'est que le lien avec Mike Sherman, évidemment, ça ne doit pas être des personnes qui connaissent. Non, c'est sûr. Mais ça dépend de l'évaluation qu'a fait la haute direction des Alouettes d'André Bolduc, et parce que veut pas Cavis Reed, je pense qu'il va recommander des noms à Mike Sherman pour son personnel. Et tu dis une ligue qui le connaît pas, ça c'est vrai, puis il y a un 12e joueur, puis les dimensions du terrain sont différentes, puis le mouvement à l'attaque, puis tout ça. Mais je vais te donner deux noms, puis on n'aura pas besoin de reculer bien loin, là, qui sont arrivés dans la ligue puis qui ont connu du succès instantanément. Ouais. Mark Trestman puis June Jones. OK, mais il y en a d'autres qui étaient des as, par contre. Absolument, mais je veux dire, dans l'histoire récente de la NFL, les deux embauches qui sont venues dans l'histoire récente de la Ligue canadienne, les deux embauches qui sont venues de la NFL ont connu du succès, puis il y en a un là-dessus deux fois plutôt qu'une. Tu sais, Trestman, on s'entend plus, quand il est arrivé à Montréal, il les a amenés à Coupe Grey. Là, il arrive à Toronto puis il gagne la Coupe Grey la première année. Non, ça dépend toujours de comment le type va percevoir la Ligue canadienne. Ceux-là qui se sont plantés, ils regardaient la Ligue canadienne de haut. Exact, et ça, Mike Sherman l'a pas fait. Ouais. Tout au long de son allocution de mercredi, il n'a pas cessé, il a pas manqué de respect jamais envers la Ligue, envers ses dirigeants, ses entraîneurs, ses joueurs. Il a louangé tous ceux qui pouvaient louanger, et il a beaucoup de respect pour le football qui se joue au Canada. Ça, c'est évidemment, c'est lui qui nous l'a dit mercredi. OK. Fred, moi, je vais y aller avec mon premier point. C'est, je suis surpris que c'est pas dans tes points. Moi, c'est mon premier, là. C'est la décision du CIO d'exclure les athlètes russes à Pyeongchang. Ça prenait du culot, ça prenait du gars. Il aurait pu se trouver une façon de contourner. Ils ont suspendu la Russie. Ils n'ont pas suspendu un pays comme la Finlande, la Suède, la Norvège. Ils ont suspendu la Russie, qui est un des top 5 des pays au monde pour le Pyeongchang. Ah oui. Ça, les commanditaires, c'est la nouvelle de l'année pour moi, là. Écoute, absolument, là, faire un top 3, c'est difficile, mais t'as raison, c'est un des points majeurs du monde sportif en 2017, et ouais. Ça prenait, comme tu dis, ça prenait beaucoup de courage du CEO pour faire ça. Et ça, c'est une décision. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va sortir au jeu, s'il y a des athlètes olympiques de Russie, comme ils vont s'appeler, qui vont manifester. Est-ce qu'il y en a qui vont tenter de rentrer un drapeau de la Russie s'ils se retrouvent sur le podium ou dans les cérémonies d'ouverture ou de fermeture? Mais t'as raison. C'est une grosse nouvelle et un dossier important. Faudra voir maintenant la suite des choses pour la Russie puis le mouvement olympique. Et deuxième point, c'est le retour de GSP. Pour moi, écoute, ce gars-là a montré, je sais que t'es pas un grand amateur de UFC, mais il faut aller au-delà de l'exploit. Non, exactement. Même sans apprécier les arts martiaux mixtes, tu peux pas nier que ce que GSP a réussi là, après 4 ans d'absence, d'aller gagner un titre dans une division de poids à laquelle il ne s'était jamais battu avant. Non, c'est tout un exploit, t'as raison là-dessus. Et moi, j'aime pas le sport, mais ce sont des athlètes phénoménaux, là, des athlètes d'exception qui le pratiquent. Là. OK. Fred, tu peux aller à la pause, puis je vais te demander qu'est-ce que ton souhait, tu préfères. Puis là, on va avoir des discussions intéressantes, parce que je pense que on est dans l'année que j'avais prédit que ça arriverait, puis je sais pas si ça va arriver. Donc, vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année de Frédéric Degg de la presse canadienne. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladeau, sur 227 6e avenue à Dolbeau-Missassigny, vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-3339. Direction du club de golf de Chibougamau-Chaparay. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Retour à danazesport.com avec Frédéric Degg. Fred, je veux te parler de ce que tu souhaites en 2018 comme amateur de sport. Ben, écoute, c'est certain là qu'à l'évidence, puis ceux qui suivent un peu mon travail des dernières années, c'est évident là que je souhaite que le dossier du baseball majeur débloque là, ouais. Le retour du baseball à Montréal. J'aimerais ça que la situation au club et Tampa Bay se règle. Je pensais qu'Oakland c'était réglé. Malheureusement, il y a eu ils ont fait un pas en arrière là avec l'école secondaire de la région là-bas qui a décidé de ne plus embarquer dans leur projet de construction de nouveaux stades. Et puis t'as Tampa Bay qui vient d'échanger le visage de la concession des 10 dernières années à Evan Longoria. Et eux autres aussi, là, ça piétine le projet de nouveau stade. Alors j'aimerais que ça se règle cette année. Fred, c'est toi qui me disais que, regarde, qu'à Tampa, là, les gens ont le pompon, là. Ah ben là, écoute, oui, les réactions à la suite de la transaction pour Longoria, là, c'est un retour là, la réaction des partisans et même des journalistes qui couvrent les activités de l'équipe là, la formation du Lightning, mais les Rays sont traités là, les propos sont très durs à l'endroit des Rays. Ok. Mais si on y va plus large aussi, Danny, plus local même peut-être. Je viens de passer la semaine à couvrir le combat Lemieux-Saunders. Bon, qui s'est pas terminé comme on le voulait là pour les amateurs de boxe. Mais je te dirais là que ça a ravivé l'envie de voir des gros combats d'envergure à Montréal. Et ce que je nous souhaite là en 2018, là, c'est qu'Adonis Stevenson sorte de sa torpeur. La division est grande ouverte. Avant, il y avait 3 ceintures sur 4 qui étaient réunies chez le même boxeur, c'est le cas de le dire, qui est accroché dans le sous-sol du même gars. Et puis là, les 4 ceintures de la division des mi-lourds là sont divisées. T'as Bivol, t'as Kovalev, t'as Beterbiev et t'as Stevenson. Stevenson arrête pas de dire que ce qui est payant puis ce qu'il a le goût de faire, c'est des combats d'unification. Là. Ben là, au lieu de devoir traiter juste avec un client puis de nous servir toujours la même rengaine, ben lui, c'est HBO, moi, c'est Showtime, ça marche pas, Alayman ne veut pas. Là, t'as 4 ceintures à 4 personnes différentes puis t'as un adversaire obligatoire qu'il faut que tu rencontres en Eliezer Alvarez. Moi, ce que je souhaiterais, là, écoute, dans mes rêves les plus fous, là, bon, il veut se battre contre Badou Jack, là. Faisons ça le plus vite possible. Après ça, tu donnes son combat de championnat à Alvarez. Et puis, de toute façon, Stevenson est certain qu'il va gagner une main dans le dos. Prépare tout de suite le terrain pour qu'un des 3 autres champions te rencontre à l'automne ou au mois de décembre 2018. Imagines-tu l'année de boxe qu'on pourrait vivre à Montréal si on avait des gros combats d'envergure comme ça? Parce que je peux te dire là, que samedi, à la Place Belle, c'était rempli à pleine capacité. Les gens ont adoré la soirée. On a eu droit à une carte fabuleuse, vraiment, 12 combats. Même le combat Lemieux-Saunders, on a beau dire que c'est pas un bon combat, c'est pas vrai. Tout le monde a aimé le combat d'Yves Ulysse une demi-heure avant contre Curtis Seldon, mais Ulysse a livré exactement le même combat que Billy Joe Saunders, sauf que Ulysse, il y a un peu plus de puissance. Mais il a gagné, Saunders, c'est ça. Il a permis de mettre. Ben oui, si, Ulysse a gagné. Si tu fais l'inverse, puis tu mets David Lemieux qui boxe comme Billy Joe Saunders, est-ce que les gens disent le monde que c'est un combat plein du style de David Lemieux? Ben non. C'est exactement ça. C'est que l'autre a gagné, c'est pas compliqué. Mais tu parles de ça, là. Au columniste de l'émission que tu participes avec, pour les gens, c'est sur le site punchinggrace.com, sur le Facebook de punchinggrace.com. Oui. D'ailleurs, je vous consulte, je vous demande d'aller le voir. C'est très, très bien fait. Bien gentil. Il y a quelques semaines, c'était un de vos sujets. Qu'est-ce que la carrière, un coup que Dennis Stevenson va savoir retenir, qu'est-ce qu'on va retenir de la carrière de Dennis Stevenson? Là, pour l'instant, on va avoir un très mauvais souvenir. Mon scénario de rêve que je viens de t'évoquer avait lieu, ben, je peux-tu te dire que les gens oublieraient les 5 dernières années d'Adonis Stevenson puis se souviendraient de l'année 2018 et de ces 3 combats-là? Si ça arrive, je peux te dire que oui, Adonis encore le pouvoir de faire tourner le vent sur sa réputation et sur ce que les gens vont retenir de sa carrière. C'est à lui, c'est à Adonis à mettre ses culottes et à dire, il dit Carl Heyman décide, je m'excuse, des vrais champions vont voir leur gérant, leur manager, puis ils disent, regarde, moi je veux lui, ça coûtera ce que ça coûtera, arrange-toi comme tu veux, mais je veux lui cette année, débrouille-toi avec ça. On dira ce qu'on voudra, Jean-Pascal, il a jamais reculé contre personne. Moi je pense qu'à quelque part, la boxe en 2018... ça repose sur un gars, c'est Arthur Beterbiev. Ça, c'est à souhaiter, mais ça, malheureusement, il va falloir d'abord que son conflit avec Yvon Michel se règle. Ouais. Et peu importe ce qui va arriver dans ce dossier-là, que Arthur obtienne sa libération ou qu'il continue d'être lié à Jim pour la fin de la durée du contrat. Là, j'espère qu'on saura mettre ça de côté et qu'on puisse tout le monde en profiter. Arthur Beterbiev, groupe Yvon Michel, les amateurs de boxe et les journalistes affectés à la boxe aussi. Si ce dossier-là serait qu'on voit Arthur Beterbiev se battre plus souvent cette année, tout le monde en sort gagnant. Ouais. Moi, je vais revenir au sujet. Je sais que c'est un sujet que toi, t'es collé dessus, mais écoute, moi, je t'ai rendu là, c'est depuis 2015 que je prédis, 2016 que je prédis que ça va se faire en 2018. Je viens de faire la revue de l'année avec Marc Griffin encore, puis Marc m'a essayé de me recrinquer, puis avec l'élection de Denis Coderre, avec la perte de Denis Coderre, moi, mon optimisme, pas parce que je crois pas à ça, pas du tout, là, j'y crois au maximum, là. Mais j'ai l'impression que c'est politique, cette affaire-là, que s'il faut aller au municipal, on va avoir des bâtons dans les roues, parce que Denis Coderre, ce qui s'est passé cette semaine avec la sortie de la Formule 1, ça va nuire, puis la mairesse Plante va vouloir se dissocier de ce que Denis Coderre a dit. Par contre, Marc Griffin et Ducane, le projet est rendu trop loin, ça dépasse la mairie de Montréal. Non, absolument. C'est rendu plus loin que ça. C'est un dossier qui est rendu bien au-dessus du municipal, comme tu le dis. Et comme Marc a dit ce pour n'est moi. Pas, ce n'est, oui, ben c'est ça. Mais comme tu rapportes plutôt, alors les gens du groupe de Stephen Bronfman là n'allaient pas. C'est un projet là de près de 2,5 milliards de dollars US là. Mmh. Ça n'allait pas dérailler avec une élection municipale. Ça, je te le garantis qu'on avait fait nos devoirs de ce côté-là. Moi, je pense que, comme je l'affirmais au mois de la fin mars, on est prêt, on attend qu'un appel du baseball majeur. Et je suis certain que ça tripping d'impatience dans les bureaux de M. Bronfman et M. Garber, qu'on M. Rossi, M. Boyko... On peut même dire que Molson, je serais pas surpris du tout. La nouvelle que la presse a sortie cette semaine, là, tu l'as-tu vu, la nouvelle? Avec les propos de Geoff Molson, ça me surprendrait pas qu'il embarque. Oui, mais ça, effectivement, là, pour toi, tu parles du club de baseball 2A. Oui, donc il y avait un intérêt. C'est pas d'hier que Molson a un intérêt que... C'était Kevin Gilmore, ça, qui avait déjà travaillé pour le groupe Mandalay Bay ou qui avait déjà travaillé de concert avec le groupe Mandalay Bay pour attirer un club 2A. Et puis ça, bravo à Vincent Brousseau-Pouliot qui l'a écrit. Moi, c'est une information que je tente de valider avec Kevin Gilmore et les gens du Canadien depuis 2-3 ans déjà. Mm. J'ai pas eu la confirmation. Vincent a beaucoup plus de contacts que moi dans le monde des affaires et il a été capable de faire confirmer la nouvelle d'une autre façon, là. Mais effectivement, c'est un projet qui a été envisagé par le groupe CH. Malheureusement, je ne sais pas exactement quelles sont les raisons. Moi, je pense qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'un club de niveau 2A, ça ne fonctionnerait peut-être pas à Montréal, mais en même temps, le petit stade qu'on voulait faire construire sur l'île Sainte-Hélène, c'était quelque chose d'intéressant. Mais regarde, sur l'île Sainte-Hélène, on est en train... et ça a été décrié par l'administration Plante également, on a abattu des milliers d'arbres pour faire une espèce de scène d'amphithéâtre là pour les festivals chapeautés par Evenco. Fait que, tu sais, c'est pas d'hier là, qu'Evenco, le groupe CH, a des plans pour l'île Sainte-Hélène. Ah, effectivement. Moi, je pense que tant qu'avoir du baseball mineur à Québec, à Montréal, tu sais, là, je pense qu'on va y aller pour le majeur, là. Mais Michel Laplante me disait qu'il y a encore des visées d'aller dans la région de Montréal. Peut-être plus au nord. Il me disait ça cette semaine, justement. Ce serait peut-être pas mauvais, mais là, c'est sûr qu'on est rendu à un autre niveau. Non, mais ça, c'est pas la même chose. Ça sera pas les mêmes promoteurs, puis on visera pas la même clientèle. Non, mais regarde, un petit club de la Ligue Can-Am à Montréal, ça, je serais pas contre ça, moi. Moi non plus, je serais pas contre ça, mais je suis pas sûr que ça va marcher. Regarde, le hockey junior marche pas à Montréal. C'est pas parce que c'est un mauvais produit, là. Non, effectivement. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça marche pas le sport mineur à Montréal. Fouille-moi pourquoi, je peux pas te l'expliquer. Hey Fred, t'es un gars de médias, ça vient de sortir, c'est sorti ce matin, je sais pas si tu le connaissais, moi, je n'ai parlé avec Mark Griffin, je n'ai parlé avec Valérie Tétrault, le décès de Dick Enberg. Ce matin, c'est sorti, Dick Enberg, il a décrit 10 Super Bowl, 28 Wimbledon, fait partie également du temps de la renommée du baseball. Hey, c'est tout qu'un géant que le monde des médias aux États-Unis vient de perdre. Là. Absolument. Moi, ben, écoute, je le connais comme surtout comme amateur de baseball. Moi, j'ai vu plusieurs des matchs qu'il a décrits au fil des ans. Et j'ai eu la chance, moi, d'assister à son intronisation parce que c'était la même année, en 2015, que Pedro Martinez. Et c'était un monsieur. Écoute, je l'ai croisé 3 minutes, là. Super sympathique. Quand il a vu que c'était écrit en français sur mon accréditation, la presse canadienne, tout de suite, là, il a fait le lien avec Pedro Martinez. On a échangé quelques mots sur les expos, tu sais. Mais un bonhomme gentil, un grand descripteur. C'est pas de loin sport, des Vince Scully. C'est dans la même lignée que les Vince Scully. Absolument. Et c'est un grand qui est mort subitement, en plus. Là, j'ai pas lu tous les rapports là-dessus, mais ça serait un infarctus, là. Alors, c'était parce que, il y a 2 ans, je sais bien que, parfois, à ces âges-là, la santé, ça peut chuter rapidement, mais il y a 2 ans, il était droit comme un chêne, puis c'était un chic type, un gentil monsieur, là, pour la courte conversation que j'ai pu avoir avec lui, là. J'avais déjà une bonne opinion de M. Hanberg, et puis il m'en avait laissé une meilleure après. Frédéric Degg, gros merci. Je suis très choyé de t'avoir comme collaborateur. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on t'entend de plus en plus le média parler. Puis je te l'ai dit en dehors des ondes, je pense que tu es aussi bon, sinon meilleur dans le parler que dans l'écrit. Fait que, c'est bien gentil, puis, c'est un média que j'aime beaucoup. Puis écoute, moi, c'est une collaboration que j'aime beaucoup. Ça a commencé il y a quelques années déjà, presque 4 ans, je pense. Oui, puis on est rendu chum en dehors de... Je vous le dis tout de suite, je l'appelle quasiment tous les jours. Oui, bien, puis c'est la distance qui fait qu'on peut pas aller prendre une bière plus souvent que ça non plus. Effectivement. Fédéric, la Pascalienne, on va se parler en dehors des ondes pendant la période des fêtes. Puis joyeuses fêtes à ta petite famille, à tes 2 petites filles et à toi. Puis on s'en reparle en 2018. Merci. Ben merci beaucoup. Joyeuses fêtes à toi aussi, Danny, et à tous les auditeurs de Dan Radio Sport. Mais Fédéric Degg, de la presse canadienne.